Bonsoir Charline. Bonsoir Laetitia. Alors, je ne prononcerai pas le nom de votre invité parce que moi, je n'y arriverai pas. Ah, mais non, mais pourquoi? Groot. T'es fan de Groot? Groot. Allez-y. Groot. Groot, non, c'est n'importe quoi, c'est pas moi ça. Allez-y. De Groot. Oui, c'est moi. Ah, mais c'est ça. C'est sûr? Je crois. Bah, merci Laetitia Gaillet. Bah, c'était très intéressant. Voilà. C'est bien parti. Bonne émission. Oui, ça, moi, je pense que c'est très bien parti. Oui. C'est, on est très très organisé. On, hein, est très bien arrivé. Voilà, on est bien. Voilà, on est parti, on est arrivé. On ne sait pas où on va, mais on y va. Allez, c'est parti. Vous êtes au chaud. Salut les amis. Salut Charline. Tout le monde va bien? Ça fait mal au crâne après l'apéro d'hier. Ah, c'était une belle émission. Ah, bah, on n'a jamais reçu autant de messages d'auditeurs. Ah ouais, ça fait plaisir. Tout le monde avait besoin de sourire. C'est bon, alors on continue aujourd'hui. Ah ouais, il faut. Et c'est qui l'invité aujourd'hui? C'est Stéphane de Groot. Un Belge? Ouais. Vous croyez vraiment que c'est le moment? Non. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pas un Belge. Non, mais ça suffit là. Non, mais nous on n'est pas rassurés avec tout ce qu'on entend là. Non, mais Stéphane, il a arrêté le djihad il y a une dizaine d'années. Il a fait du djihad, mais faut pas qu'il vienne du tout alors. Non, mais ça va, c'est pour rire. C'est pour rire. Pardon, mais je suis pas très à l'aise. Enfin bon, c'est absurde si tu veux. Oui, bah justement, Stéphane de Groot, il aime bien l'absurde. Oui, écoute, si Stéphane est un extrémiste, c'est uniquement du jeu de mots. Eh bah, ben oui, bah, c'est le début. Après, il pourrait se lancer dans une croisade. Hein, un jeu de mots, oui, croisade. Bah, des mots croisés, croisade. Oh, ouais, formidable. Alors, on va dire que je vous demande pas votre avis. Bah, non, comme d'habitude. Voilà, mais que Stéphane de Groot sera un super invité. Ah, oui, voilà. Et que l'émission sera souriante, détendue, puis positive comme hier. Ok. Est-ce qu'on va voir encore? Bah, je sais pas. Est-ce qu'on est toujours en résistance? Oui, on lutte. Voilà, si vous êtes d'accord, je ne voudrais pas briser l'unité nationale. Ouais, nationale, ouais. À partir de trois Belges à table, on n'est plus chez nous, je suis désolé. Ça suffit, hein, non, je veux pas de cette belgophobie, là, on y va, on travaille l'émission, puis c'est tout. Ok. Charline, hmm, j'ai pas compris mot croisé. Non, bah moi non plus, hein. On va falloir demander à Stéphane de Groot. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les dépravés de la Terre. Vous écoutez l'émission qui transforme l'actualité en espace de liberté, de satire, de musique, de culture et d'amitié. Bref, on transforme l'actu en bordel. Aujourd'hui encore, on a décidé d'être en terrasse, c'est-à-dire d'être ensemble, à se faire du bien. On vous accompagne en voiture, au travail ou dans un lieu de débauche. Certains lieux de travail étant parfois des lieux de débauche, celui-ci n'est pas le dernier. On a choisi de ne pas tout bien organiser, mais on a de la bière. Bref, on va laisser vivre notre émission autour de notre invité et de quelques thèmes. Et d'abord, cette fameuse base arrière belge, ce quartier de Bruxelles vers lequel se retourne le monde et qui a aussi vu naître de grands hommes qui ont fait du bien à la France. Raymond Goethals est né le 17 octobre 1921 à Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles. Et oui, le sorcier entraîneur de l'Olympique de Marseille. La Molenbeek, la Marseillaise justement. Elle nous donne du courage et même les Anglais vont la chanter ce soir à Wembley. Ah, on l'enfant de la patrie. Le jour de gloire naît, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis du rock. Et puis des frites, et puis du rock. Non, je suis désolé, les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon, bah c'est du rock. Voilà, c'est du rock. Et pour m'accompagner, comme disait Alain Bachung, à quoi ça sert les frites si t'as pas les moules? À quoi ça sert le cochonnet si t'as pas les boules? Allez, désolé. Mais je vous remercie, je sens bien que je suis la moule et le cochonnet. Je me suis reconnu dans ces comparaisons. Et autour de la table, on est un peu moins qu'hier, mais on a la même envie. Il y a notre spécialiste musique. Enfin, quand on écarte Michel Thor des chanteuses engagées, je ne sais pas si on mérite le nom de spécialiste, Mélanie Bauer. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de rap belge. Oui, Midor, je ne sais pas pourquoi. Là, je pense que vous allez vous moquer de nous. Et il y a autour de la table notre reporter de guerre, qui au final n'est guère reporter. C'est Guillaume Meurice. Oui, j'ai bossé un petit peu aujourd'hui. Bonjour Alex, bonjour Charline. Et bien oui, c'est la guerre. Alors moi, je me suis rendu au salon de l'armement Millipol, qui ouvrait ses portes aujourd'hui. Plein de gens qui vendent des armes, par exemple au Qatar. Qu'est-ce qu'il en pense, ce marchand d'armes? Non, j'en pense rien du tout. Voilà, c'est... On sent que vous en pensez quand même quelque chose. Non. Vous seriez pas en train d'en penser quelque chose et de ne pas vouloir me le dire. No comment. Non, on aura plus de commentaires tout à l'heure, évidemment. Vous faites le sous-texte. Et il y aura notre résistante en chef. Elle continue à arpenter les barres de Paris, la fille cachée de Lucie Aubrac et de Charles Bukowski. C'est Juliette Arnault. Bonjour. Bonjour. Et bien, moi, je connais les parents. Oui. Ben, c'est mes parents, effectivement. Et bien, moi, je vais vous parler de Rock'n'Roll Baby. Très bien. Et à la fin de l'émission, une petite surprise, puisqu'il y a une guitare dans le fond de ce studio. Ouais. Et le guitariste en chef de cette émission arrivera à 17h50. Et puis il y a notre référent de la République du jour qui est né sous Baudouin de Belgique. Vous participez à votre premier championnat automobile en 95 quand NTM sort un album intitulé Paris sous les bombes. Heureusement cette année-là, Céline Dion est là pour chanter Pour que tu m'aimes encore. Vous devenez chroniqueur sur Canal+ en 2012 quand les Pussy Riot sont condamnés dans un camp pour avoir chanté une prière punk dans une cathédrale moscovite. Et vous publiez Voyage en absurdie en 2013 quand du cheval est retrouvé dans des lasagnes surgelées. Et vous êtes Je suis content. Oui, mais encore. Mais encore, je suis. Aidez-moi. On est en terrasse. Mais bien sûr. Sur France Inter, Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes. J'annule tout. On avait répété 10 minutes avant. Je ne veux rien savoir. On avait dit le seul truc. Déglinguer tes papiers, tu peux les déchirer. Ok, nous sommes entre nous, tout va bien. Okay. Et si nous sommes en terrasse, on n'est pas enterré. D'accord. Ça commence. C'est vrai que c'est la seule chose qu'on a préparée de cette émission. C'était le vous êtes et oui. Quelques bières. Et voilà. Vous êtes content, ça fonctionne. Ouais, ouais, bien. Ça. Oui, quoi, j'aurais dit vous êtes quoi, vous êtes chaud. Et d'ailleurs, c'est une vanne qu'on trouve dans un des livres que vous publiez, parce qu'il y a bien sûr le livre de la jungle aux éditions Plomb, Stéphane de Groot. Et il y a aussi la bande dessinée Qui ne dit mot, illustrée par Grégory Panaccione. Oui, c'est ça, c'est pas un dessert, c'est un dessinateur. Non. C'est vrai. Alors, je me rappelle plus la vanne, mais il y a un vous êtes où il répond vous êtes là, ou voilà, je sais plus. Mais j'ai pensé à ça. Je ne suis pas certain que tout le monde ait pu suivre vraiment ce que vous disiez là maintenant. Non, auquel c'est pas cas, grave. Je pense qu'il faudrait lire toute la BD maintenant. Oui. Pour que les gens puissent comprendre. Mais on va en parler avec vous de cette bande dessinée, de votre livre. Mais d'abord, Stéphane de Groot, vous êtes bruxellois. Aujourd'hui, le monde regarde Bruxelles différemment. C'est peut-être l'occasion d'expliquer avec vos mots à vous, c'est où Molenbeek ? Parce que beaucoup dans la... Donc c'est pas Molenbeek. Voilà. Ça c'est pour écrire. D'ailleurs, tu as Molenbeek, donc ça c'est pour écrire ou dessiner des moules. Donc ce sont des endroits un peu bizarres, si tu veux. Ça qui lie et l'artistique et la géographie. Nous, on espérait que les Français comprennent mieux Molenbeek. C'est pas clair ce que je veux dire. Pour quelle raison ? Le côté bien ou le côté moule ? Le côté Molenbeek. Molenbeek. Donc sur Molenbeek. Non, je viens d'entendre dans le Alex. Monsieur de voilà qui il s'appelle Molenbeek. Alex, hein, l'entraîneur de un extrait de FR3 qui faisait un portrait de Raymond Goutals et qui disait bienvenue à Molenbeek. C'est donc Molenbeek. Peut-être que Goutals vient de Molenbeek et pas de Molenbeek. Peut-être qu'à Molenbeek il n'y a pas de Goutals. Non mais attendez, on dit Goutals ou Goutals, évidemment. Ah ouais, d'accord. Donc c'est complexe. Donc Molenbeek, oui. Les Français disent c'est la banlieue de Bruxelles. Est-ce que vous pourriez l'expliquer autrement parce que ça n'est pas la banlieue de Bruxelles. Ah, c'est pour ma gueule. Bruxelles. Ça. C'est oui. Moi qui dois raconter oui. Et expliquer oui. Pourquoi Molenbeek. Est-ce qu'on peut faire un point géographie peut-être. Alors donc tu veux que j'explique où est Molenbeek ou qu'est-ce que non, c'est que cette commune que c'est parce voilà. Est-ce qu'on peut dire par exemple c'est un arrondissement de Bruxelles par exemple. Est-ce que ça pourrait être comme ça. Oui, alors aujourd'hui on peut dire que c'est un arrondissement. Demain. Qu'est-ce que ce sera ? On n'en sait rien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Molenbeek en ces temps un petit peu mouvementés. Je ne sais pas quoi vous dire, Charlie. Mais c'est collé à Bruxelles. Bruxellois. Oui, je suis bruxellois, mais non. Vous êtes quoi, Alex? Vous êtes Huclois. Parlez-nous de Hucle. Voilà, non, mais c'est ça en fait. Pour expliquer à Guillaume, nous, les arrondissements n'ont pas des numéros, mais des noms. Donc Molenbeek fait tout à fait partie. C'est comme si c'était le 19e. Le 19e, Molenbeek. Je dirais moins ça. Ah oui. Et Hucle. Et Hucle plutôt ici, le 16. Vers le côté bourgeois. C'est étonnant. Ça me surprend. T'as raison, vous voyez plutôt du 19e. C'est quand même difficile. C'est quand même pas évident de comparer les arrondissements parisiens avec les communes bruxelloises. Parce que tout ça pour dire que ça n'est pas collé. Vraiment ce qui se passe chez nous, les communes. C'est vrai. Une commune, qu'est-ce que c'est qu'une commune ? Mais voilà. Nous, par exemple, il y a des mairies, par exemple, d'arrondissements. Oui, voilà. Eh bien, nous avons aussi des. Voilà. Tu cherchais le mot, non, mairie. Nous avons des bourgmestres de communes. D'accord, voilà. Anderlecht est une commune aussi. Anderlecht est une commune. D'accord. Comment tu as prononcé ? Si chez vous, vous comprenez ce qui se dit, est-ce que vous pouvez m'écrire sur Twitter hashtag annule tout, me c'est l'expliquer. Pas normal, si vous comprenez, il y a un truc qui ne va pas. C'est quand c'est mal fait comprendre. C'est un peu le problème. Alors, l'autre différence aussi, c'est qu'il n'y a pas de périphérique, pas de frontière. Ce que je voulais expliquer, c'est que. Qu'est-ce que vous vouliez expliquer ? Non, je pense que vous ne vouliez rien expliquer. Non, vous vouliez juste être là pour boire de la bière. On parle de ghetto souvent dans les villes, etc. À Paris, c'est plutôt à l'extérieur, de l'autre côté du périphérique. Tandis qu'à Bruxelles. Est-ce qu'il y aura un film un jour qui va s'appeler De l'autre côté du périphérique à Bruxelles. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas. C'est le ring chez nous. C'est le ring. Ce qu'on stigmatise comme étant des ghettos, c'est dans la ville. Si vous faites des parenthèses pendant que vous stigmatisez en radio, on ne voit rien. Non, c'est des guillemets, ça. Oui, bah, il faut l'illustrer. voilà, c'est ce qu'on appelle les villes en loupe, en cercle. C'est-à-dire qu'au milieu, c'est pauvre, et puis plus vous éloignez, plus c'est riche. Et c'est les villes américaines qui étaient faites comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et Bruxelles est plus comme ça que Paris, qui, lui, a... a sorti sa pauvreté, excommunié sa pauvreté du centre. Oui. Voilà, alors tiens, moi j'ai une autre question parce que à Molenbeek, c'est tellement rare, notez-le. L'un des, alors il y a deux frères djihadistes, un qui s'est fait exploser et un autre qui. Je vous ai interrompu. Non, voilà. Donc parmi les djihadistes de Molenbeek, il y en a notamment. Si vous avez interrompu. Parmi les deux frères, il y en a un qui s'est fait exploser, l'autre qui est toujours en cavale. Parmi les djihadistes de Molenbeek. Mais laissez-la tranquille. Non, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là. Il y a un voilà, c'est la famille. Il tenait un bar. Oui. Qui tient un bar d'une marque de bière. Alors qu'en France, ils tiennent des bars. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je l'ai pas eu. Mais en banlieue, on parle des bars. Oui, des bars. Bien sûr. D'où le Alawad. Je suis à tout, je reviens, on note des choses. Et à côté, le bar mitzvah, peut-être. Comme ça, tout le monde est content. Je suis voilà. Écoutez, ça part très très bien. Moi, je constate que ça part très très bien. C'est le premier sujet qui a bien brossé. Et ça, on voit qu'on a bien travaillé. Je vais garder mon casque pour sortir. C'est là qu'on a bien travaillé. Allez, vous êtes dans Si tu écoutes, j'annule tout. Il y avait un peu de jongle verbal. Exactement, parce qu'on est avec Stéphane De Groot jusqu'à 18h. Mary Mac, dressed in black. Silver buttons all down her back. High low, tipsy toe. She broke a needle and she can't sew. Walking the dog. Guess a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama. See the elephant jump the fence. He jumps up high, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row. Walking bird dog. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. Dog, c'est Rufus Thomas sur France Inter, programmation musicale de Djoubaka. Et autour de la table, nous avons, dans l'ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice qui a été voir ses amis les marchands d'armes, et c'est toujours un petit plaisir. Et Juliette Arnaud qui nous parlera rock'n'roll, et bien sûr notre invité qui est là pour deux livres qui se font concurrence. Le livre, je ne sais pas moi, lequel il faut acheter, les deux, si on doit choisir un seul. Il n'y a plus de concurrence. Bah oui, c'est vrai. Il y a qui le dit mot avec Grégory Panaccione qui a fait les dessins. Absolument. Les éditions Delcourt. Et puis un livre, le livre de la jungle. Stéphane De Groot est avec nous. Et d'ailleurs, Raphaël Kreut a fait les illustrations de ce bouquin-là. C'est vrai qu'il y a des petits dessins cette fois-ci dans, voilà, autour de vos mots. Et puis, comme le disait Romain Gary, que j'aime beaucoup citer en cet temps, l'humour démine le réel, donc place à l'opération déminage. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Évidemment, une édition consacrée majoritairement au jour d'après. On reviendra sur les diverses conséquences des attentats, notamment les perquisitions dans toute la France. Claude Guéant s'est dit déçu que personne ne soit passé chez lui. Depuis vendredi dernier, les Français craignent une chose, que ça recommence après Charlie. Francis Lalanne va-t-il proposer une chanson d'hommage? On aura en exclusivité sur ce plateau l'auteur-compositeur des chansons de Francis. Et pas de bref, parce que le deuil n'excuse pas tout. Et on commence par une histoire vraie. Mais oui, qui nous concerne, Charline. Ce matin, nous étions tous les deux face à Manuel Valls. Oui, je m'en souviens très bien. Oui, c'était ce matin. Et dans le sketch, nous lui avons proposé de venir bombarder Molenbeek. Oui, ça c'était une bonne vanne. C'était une excellente vanne. À la même heure, sur RTL, Éric Zemmour proposait très sérieusement ceci. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. Raqqa en Syrie, Molenbeek en Belgique. Ah oui, donc ce qu'on a dit pour rire, donc lui, il le pense. C'est oui. ça, oui c'est ça. Oui. Est-ce que vous vous souvenez que dans Apocalypse Now, pendant qu'il bombarde, on entend la Valskyrie. C'est exactement, de Wagner, à mon ami Wagner, qu'Éric Zemmour doit pas mal apprécier. Et peut-être que tout ce qu'il dit sur les femmes et les étrangers, en fait, ce sont des vannes. On ne sait pas. Oui, oui. Alors donc passons au reste de l'actualité. Oui, à l'actualité en soi, avec les dernières perquisitions dans toute la France. Oui, dans les chambres d'hôtel louées par les terroristes à Alfortville, on aurait retrouvé des restes de madeleines au chocolat et des seringues. Avec cette question, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire avec des madeleines au chocolat? Perquisition également en Belgique. Oui, des traces d'explosifs, précisément du nitrate d'ammonium, découverte au domicile des deux hommes qui ont exfiltré Salah Abdeslam, et ils ont expliqué que c'était pour leur jardin. Nicolas le jardinier a immédiatement fait l'objet d'une fiche S. On peut donc avoir deux passions, le djihadisme et le jardinage. L'une où on bannit les mauvaises herbes, l'autre où on les glorifie. Alors qu'il vaudrait mieux les fumer. Lyon, un grenoblois soupçonné de terrorisme après un tweet idiot. Et oui, et si les tweets idiots suffisaient à être terroristes, Nadine Morano serait à la tête d'un califat. Lyon, toujours, on parle d'annuler la fête des Lumières pour cause de sécurité. Oui, et c'est cohérent qu'à cause de l'obscurantisme, on puisse annuler la fête des Lumières. Et puis cette belle histoire. Oui, avec ce titre. Attablé à la terrasse du restaurant, La Belle Équipe, un couple sauvé grâce à une dispute conjugale. Effectivement, très énervé après une dispute, le jeune homme est finalement parti de son côté et son ami est entré dans le restaurant pour régler l'addition, ce qui leur a permis d'avoir tous les deux la vie sauve. Voilà, comme quoi une bonne engueulade ne suffit pas, messieurs, soyez également radins. Et on termine par l'invité du journal. Oui, on l'entend rarement dans les médias, donc c'est une interview exclusive. L'auteur-compositeur des chansons de Francis Lalanne est avec nous. Bonjour. Bonjour, Régis Leboeuf. Vous travaillez depuis longtemps avec Francis. Une trentaine d'années. Voilà. Au début, on était en duo, Lalanne et Leboeuf. Bien sûr. Et puis, pendant la crise de la vache folle, les gens n'ont plus voulu de moi. Oui, c'est normal. Alors, il a fait carrière solo. Voilà, et depuis, vous écrivez tous ces titres. Alors, cette question que tout le monde se pose, est-ce que Francis va sortir une chanson hommage? Bien sûr. Ouf. On attendait depuis longtemps qu'il se passe quelque chose de fort pour s'y mettre. Voilà, et comment vous travaillez? On regarde BFM TV et dès qu'il se passe un drame, hop, on écrit un titre. Ah bah c'est bien ce que je pensais. Et est-ce qu'on pourrait en exclusivité avoir un extrait? Avec plaisir. Alors pour la mélodie, on a gardé celle de la chanson Pour Charlie. Bah tu m'étonnes le succès qu'elle a eu. Et on a adapté le texte. Allez, on écoute. Je suis bata, je suis clan. Je suis terrasse, je suis restaurant. Parce que je rêve que l'on soit humain, que l'on s'unisse. Je suis humain, je suis Francis. C'est vachement beau et très très réactif sur l'actualité. Et mieux que ça, parfois on prend de l'avance. Ah bon, vous avez de l'avance sur les catastrophes? Tu vas nous manquer, la tour Eiffel. Et Notre-Dame, tu étais si belle. Adieu le Louvre, adieu le centre Pompidou. Oui. Je suis vous parce que je suis nous. Super, merci Régis Leboeuf. Voilà, c'était le journal de 17h, presque 17, puisqu'il est 17h25 sur France Inter. C'est la moyenne. On est dans la moyenne. En compagnie de Stéphane de Groot. Donc vous publiez bien sûr le livre de la jungle aux éditions Plomb. Et puis aussi, tiens, qui ne dit mot, vous mettez à la bande dessinée avec un dessin. Alors très dynamique, il y a beaucoup de comiques de situation, de dessin. Donc un travail à deux avec Grégory Panaccione. Et alors j'ai remarqué, évidemment je m'attache à ces détails maintenant, quand je vois votre héros, il dort avec un t-shirt de Showmuss Go On. Ah, mais vous êtes très observatrice. Oui. En fait, à la base, j'ai écrit un court-métrage. J'avais écrit un premier court-métrage qui s'appelait Palais de Justesse, que j'ai réalisé grâce à mon producteur Danny Boone, que je salue. Et j'avais écrit un autre court-métrage qui ne s'appelle plus, puisque c'est une BD, qui ne dit mot. Et grâce à Yannick Lejeune, éditeur chez Delcourt, qui m'a vraiment fait pied de grue, qui m'a convaincu de lui envoyer des textes, il s'est emparé de ce texte-là, qu'il a confié à Grégory Panaccione. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai reçu une dizaine de planches, sans que je ne demande rien à personne. J'ai découvert un semblant de BD. Et j'étais très séduit par ça. Et puis, quelques mois plus tard, voilà, l'album est né. D'accord, donc vous avez d'abord reçu les planches et vous avez mis du texte dessus. Non, j'avais donc écrit un court-métrage, un premier court-métrage. Non, mais c'est qui était produit par Danny Boone. Et ensuite, je salue. Et ensuite, moi, j'ai écouté, j'ai éditeur qui s'appelle Yannick Lejeune, qui va chez Deco. Vous êtes dingue, vous êtes complètement dingue, c'est la bière. Quand on répétait deux fois la même chose ici. France, Inter. Et Deco répondit, dis, s'il te plaît. J'avais pas fait la connexion. Non, mais il y a deux oreilles. Donc, effectivement. Vous avez reçu les planches sans rien et vous avez pas du tout. Non, moi pas du tout. Je pourrais avoir un peu de bière. S'il te plaît. Quand on écrit des textes comme ça, c'est quoi le plus marrant? C'est de se voir. Le plus marrant, c'est de le dire deux fois. Non, c'est un comique de répétition. De le voir à l'image. D'acheter le livre quatre fois. Ou de le voir en texte. De voir qui en texte. Quand on est créateur, parce que moi j'ai compris que vous avez écrit le texte avant. On écrit quoi en fait? Est-ce que c'est plus drôle de le voir en image et de se dire, ah ben tiens, il s'est emparé de mon univers, ou parce que vous avez mis en scène l'autre texte, le court métrage? Alors, c'est incompréhensible. Non, mais nous on comprend. Si. Je vais traduire. Donc, ce qu'Alex veut dire, on peut revenir sur Molenbeek, c'était plus simple. Ce qu'Alex veut dire, il vient de le dire. Ce que moi je veux dire, je vais le dire. Il va me répondre. Voilà, je vais répondre évidemment. Donc à la base, j'avais écrit un court métrage. Oui. Ok. Je ne l'ai pas réalisé. Oui. Vous allez bien vous calmer tous les deux. Je ne l'ai pas réalisé. Ok. J'ai réalisé. Eh ben, c'est pas bien. Mais, oui, mais c'est ce que je vous disais. J'ai réalisé le premier. Oui. Soyons un petit peu concentrés. Et donc, comme je n'ai pas réalisé ce court métrage, oui, Grégory Panaccione s'est chargé de dessiner. Il a récupéré le script. Il a donc récupéré le script. Mais vous l'avez déjà dit ça. Mais je l'ai déjà dit, je le répéterai autant de fois que je le souhaite. Ok. Et donc, bonsoir à tous. Je reprends un peu cette émission en main parce que je pense que ça va un peu à volo. Alors, donc là, il a traduit mon scénario en dessin. Et au début, j'étais un petit peu déconcerté parce que, effectivement, le héros principal, moi, je l'aurais dirigé sur un plateau. Je lui aurais dit, tiens, c'est formidable, ou fais un peu plus ceci ou cela. Et en fait, à travers le dessin de Grégory, mais c'est lui qui a été le directeur d'acteur de ce personnage. Mais je comprends pourquoi ça. C'est vraiment cinématographique. Ah, vous le ressentez comme ça? Mais non, mais c'est vrai, non, mais je me suis dit, non, mais c'est la particularité de la BD. C'était un court-métrage au départ. Mais voilà, mais maintenant je comprends. Non, parce que vous avez branché vos écouteurs sur l'album, rien n'est venu. Tout est en mouvement. Mais alors ça marche, mais non, mais alors ça marche aussi beaucoup évidemment sur les quiproquos. Presque, il y a un côté un peu vaudeville dans le cinéma. Alors dans le court-métrage, non? Parce que Papa est soprano, oui. Dit le héros à sa future belle doche ou beau-père. Oui. Il dit, ah bah j'adore, j'ai vu tous les épisodes. Tout fonctionne aussi sur le quiproquo. Je pense qu'effectivement, alors Grégory a eu le talent de traduire cet univers qui devait fonctionner de manière animée avec effectivement un environnement assez absurde. Et il est parvenu à traduire ça, donc j'en suis très heureux. Et il a apporté une dimension et une interprétation qui va parfaitement à ce que j'avais écrit. Et votre référence est assez juste, parce qu'effectivement, ça devait être un film. Alors voilà, pour résumer l'histoire, à côté très cinématographique à cette bande dessinée qui ne dit mot, avec les dessins de Grégory Panaccione, et puis évidemment le style Stéphane de Groot. Vous dites pour résumer l'histoire, et vous ne nous racontez rien du tout de l'histoire. C'est difficile de la raconter, parce qu'il y a un truc qui se passe à la fin, ouais, qu'on ne peut pas balancer. Au début, il y a un héros dans un immeuble parisien qui est en retard parce qu'il y a un changement d'heure. On passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, ou le contraire, je ne sais plus, parce que vous proposez aussi de changer l'heure d'automne, pourquoi pas, ou l'heure du printemps. Il se rend compte qu'il est en retard, c'est une course effrénée jusqu'à son rendez-vous. Et là, j'en dis pas plus, mais... Et le tueur, c'est Kaiser Saucé. Non, mais il y a un côté surréaliste au sens propre du terme, au sens artistique du terme, et pas au sens galvaudé comme on l'entend. Ce qui m'a du tout d'ailleurs. Ce qui m'a fait plaisir, moi, c'est les premiers lecteurs et certains journalistes m'ont dit, j'ai commencé l'album, je pouvais pas le terminer. C'est-à-dire, j'ai terminé la lecture haletant. Oui. Jusqu'à. C'est vrai que la lecture est une course effrénée. On ne décroche pas. Mais ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a une tension, qu'on est parvenu à recréer une tension à travers cet album. Il faudra en faire un film. Moi, je vous propose. Mélanie Bauer. Cette émission, elle est rock and roll, non? Il faut. Moi, c'est hip hop parce que Juliette m'a volé le rock aujourd'hui. Juste, c'est vrai. On fait du hip hop avant du rock. Ça fait penser à Book. Vous vous souvenez, on avait reçu Book. À Lille. Book aussi a ce style un peu surréaliste. Book écrit des livres. Qui va très. Qui va... Il devra faire une BD d'ailleurs de son film. Allons-y. Voilà. Molenbeek. Non, je me suis pas d'accord. Allez, hip hop, c'est Monsieur Vizorek. Une plume, un belge, du rap belge. Alors évidemment, je sais que ça va être difficile de vous impressionner avec des lettres, Stéphane de Groot. Vous en êtes chevalier, et oui, et des arts aussi, mais peut-être que quelques rimes bruxelloises, ça pourrait vous émouvoir. La star du moment en Belgique, on la connaît, c'est Stromae, c'est double sens. La chanson, par exemple, Papa Outé, qui pourrait être une chanson sur l'inceste. Dans Papa Outé, il y a le verbe bien connu des Français, en Papa Outé. Ah oui. On dirait une vraie sale histoire. Et c'est ça, le rap, des tranches de vie difficiles, des mots crus, voire même de gros mots. Et retour au verbe, hein, tout commence en Belgique avec un tube. Nous sommes en 1989, Abdelhamid Garbaoui, qui vient de... Il a ses papiers ? Qui vient de... De Molenbeek, ce quartier qu'il faudrait bombarder, selon certains intellectuels de petite taille. Abdel, donc, sort sous le pseudonyme de Benny B. Vous êtes fou, un titre qui se classe direct en France dans les 5 premières places du top 50. Benny B, B-E-2-N-Y-B, mon nom en moi c'est Benny B, et oui, tu l'as deviné. Quand je veux la justice, j'essaie de défendre les droits partout. Tu vois, c'est ma jeunesse. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté. Où la PJ, il passe 3 quarts de l'heure tournée. Est-ce que vous connaissez Tchedi? Comment? Tchedi, de Manitoro. Produit par Michel Delenoir. Bon, ça vous intéresse quelque chose que je... Tout d'un coup, on est parti sur autre chose. Mais vous voulez un petit peu de Tchedi ou pas? Ah oui, un peu de Tchedi. Vous savez ce que c'est Tchedi? Absolument pas. Je sais pas si... Ah non, c'est moi qui dois chanter? Ouais. Non, c'est impossible. On n'a pas ça dans les On va chercher. Alors, Benny B et ses copains, dont Daddy K, qui fait aujourd'hui une carrière internationale de producteur, ils vendront quand même 3 millions d'albums. Un succès qui inspire la scène bruxelloise. Un an plus tard, en 1990, sort la première compile de rap belge, Brussels Rap Convention Volume 1, Stop the Violence, avec des morceaux qui paraissent bien kitsch aujourd'hui, un message d'unité, de non-violence, les valeurs de base du hip-hop, de la Zulu Nation, peace, love, unity and having fun, avec ici Voilà pour toi de Shark, une histoire de revolver qui passe de main en main. Vous n'avez pas chanté là. On dirait que c'était mieux. Un dimanche de pluie où je passais un fortin, j'ai rencontré un petit gamin qui avait un gueuflin. Je lui dis qu'est-ce que tu fais avec ça petit con. Il me répond c'est pour me défendre contre les agressions. Je regarde dans les yeux, lui dis d'un ton amer, allons gamin fais-moi ton revolver. Mais ce petit caillou réticent me braque serein. Et moi d'un geste vif, je lui arrache l'arme des mains. Il hausse la voix et m'ordonne rends-le-moi. Je lui ai mis une plaque et répondu le voilà. Oui tiens, voilà pour toi. Moi je garde ça, tu me reverras pas. Le revolver passe de main en main après, lui-même se prend une claque de son père et ça c'est une très très jolie histoire. Avec le nouveau millénaire, les rappeurs s'organisent notamment grâce à Give Me Five Prod, un label qui sort des mixtapes et des freestyles, je vous ai perdu la visorec. Mais surtout moi j'étais sur Benny B, je danse qui permet à de nouveaux artistes de se faire connaître. Ils sortent en 2009 un premier DVD de rap belge contenant 2h45 de hip-hop, breakdance, graffiti, DJing, beatboxing et MC. Voilà, qui s'impose alors. Attends, j'ai des amis rappeurs belges. Ah, mais là, bah... voilà, s'impose alors des noms comme Scylla, ici avec un titre qui ne serait pas sans rappeler la peinture surréaliste de Magritte. Ceci n'est pas un hit. À ce qui paraît, pour être un vrai artiste et pour pouvoir passer en radio, il faut un hit. Eh bien voilà, je suis fier de vous annoncer qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai enfin le mien. Allez les gars, rien que pour le kiff, balancez la sauce. Ça hit, non? Il a un peu la voix de Grand Corps Malade. On dirait le petit frère Fabien. C'est vrai. Autre nom de la scène rap de Bruxelles, des stars. La preuve, ils jouent jeudi à Grenoble, à guichet complet. Hein. C'est la Smala qui viennent de sortir leur deuxième album, Un cri dans le silence. Ici, hommage à Peter Pan, c'est Les Enfants Perdus. Je pourrais en parler pendant des lunes. Contre ces semblants de futur, je lâche des murmures dans le vent pour les enfants des rues. Trêve de hurlements, frangin chute, je chante. Mets-moi une tasse d'hydromel, un air de flûte de pan. Pain, pita, frite à part, pas de salade, petit rapace. Si ça marche, on te le dira pas. C'est cosmopolite la Belgique. Ah ouais, fume, c'est du belge. Ces rappeurs ont donc dépassé leurs frontières et continuent à s'organiser. Quelques années après la Smala, on découvre L'Or du commun, jeu de mots. Hein, c'est l'or du commun, formé de 4 MC, des voix qui critiquent. Non, je sais que vous aimez bien ça. Hein, ça. Et s'insurge, par exemple, sur ce morceau en 2013 avec leur copain Romeo Elvis, c'est Bruxelles, c'est devenu la jungle. La grenouille. grenadine, le crocodile, la soif et les basses cognent. L'animal passe et me bastonne. Tout ça pour des crottes quand j'y pense. La savane est moins sûre qu'une planque de banlieue. Sous l'effet d'une drogue ou d'une transe. L'ambiance est lourde dans ce climat tropical. Le flamant rose. Oui, vous devinez, comme Juliette Arnaud. Enfin, on terminera avec un artiste bruxellois, Human, qui. Là, encore un jeu de mots, c'est Human. Qui. qui nous souhaite la bienvenue. YouTube, il a pas mal marché aussi. qui nous souhaite la bienvenue dans un pays désenchanté, désuni. Une chanson écrite avant les élections de juin 2010 sur une musique de Simon Le Saint. Il décrit son sentiment d'impuissance face à une situation politique qui secoue son pays. Bienvenue en Belgique, terre de sound system, de MC, de culture anti-système. Il aura le bon goût d'ailleurs d'enregistrer aussi une version bilingue de cette chanson. Celle-là, vous allez l'écouter en entier, vous allez le faire pour moi. Yeah. Original Human Dance Soul Punk out of Belgium, Belgique. Comment tu sais? Belgique. Bienvenue en Belgique, c'est la quatrième dimension. Le bordel intégral, on est au bord de l'implosion. Bienvenue en Belgique, le compromis à la con. Terre de pions et de bouffons qui n'ont aucune opinion. Bienvenue en Belgique, c'est le grand cirque médiatique. La file des spécialistes qui prédisent une fin dramatique. Bienvenue en Belgique, le pays des petites piques. Grand flou démocratique et querelle linguistique. Bienvenue en Belgique, si t'écoutes t'auras pas de blême. Tu trouveras tout ce qu'il faut, y'a de la weed, y'a de la scène. Bienvenue en Belgique, ici y'a que les vrais qui tiennent. Car il faut bien le dire, y'a pas grand chose qui tienne. Bienvenue en Belgique, terre de sound system, de MC, de culture anti-système. Bienvenue en Belgique, hey yo human, come again. Ici le hip-hop et le dancehall résistent quand même. Bienvenue en Belgique. Bienvenue en Belgique. Quand le terme chante la Marseillaise, y'a moyen de rigoler, mais y'a comme un malaise. Bienvenue en Belgique, le cul entre deux chaises. Pays à deux vitesses, à l'aise pour ceux qui pèsent. Bienvenue en Belgique, monarchie de pacotille. Résidu des colonies et amis de l'Opus Dei. Bienvenue en Belgique, bienvenue aux portes de la folie. Ministre alcoolique et église à l'agonie. Bienvenue en Belgique, tu verras les gens sont cool. Ils se prennent pas la tête du moment que ça roule. Bienvenue en Belgique, si t'aimes les frites et les moules. Si tu connais la bière ici c'est comme ça qu'on saoule. Bienvenue en Belgique, mais viens plutôt au printemps. L'hiver c'est dur, les gens tirent la gueule tout le temps. Bienvenue en Belgique, il y a souvent du mouvement. Des crises, des faits divers, des halls de paix, des raillements. Bienvenue en Belgique. Bienvenue en Belgique. Bienvenue en Belgique. La jeunesse est au chômage. Dans les quartiers, ça sent l'orage. Bienvenue en Belgique, il y a des drogués de tous les âges. Et c'est la même chose pour les braquages. Bienvenue en Belgique, terre de transit et de trafic. Le crime ne connaît pas la crise économique. Bienvenue en Belgique, des armes on en fabrique. On n'est jamais loin quand la guerre applique. Bienvenue en Belgique, on a tous les mains sales. Bienvenue en Belgique, petit royaume à scandale. Bienvenue en Belgique, mémé un gilet pare-balles. Bienvenue en Belgique, bienvenue au carnaval. Bienvenue en Belgique, Human. Oui, ça donne envie. Bienvenue en Belgique. Mais vous êtes sur France Inter. Oui, c'est une découverte pour Alex et moi, on connaissait pas Human. Voilà, bah avec cette chanson qui est très très dure hein, quand même. Avec et qui raconte. Et qui raconte. Vous l'entendez juste... Vous n'arrêtez pas de parler de mais pourquoi est-ce que. Pourquoi là, pour le coup, ça serait bien de l'écouter une deuxième fois. Je vais tout faire deux fois dans cette émission. Non, mais il y a des moments terribles. Il dit on fabrique des armes, quand la guerre éclate, on n'est jamais très loin. Enfin, je ne sais pas. Oui, pas effectivement. Ce qu'on peut en penser. Fabrique des armes à Herstal. Effectivement. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Stéphane de Groot. Je ne crois pas, non. Un mec qui lui ressemble. Et à cette heure-ci, il y a un moment important dans l'émission qui s'appelle aussi le moment Meurice. Oui, ben moi je voudrais commencer très solennellement cette chronique par une belle chanson d'amour, de paix et de tolérance reprise aujourd'hui par le monde entier. Elle est chantée ici par le français qui représente le mieux l'amour, la paix et la tolérance, Michel Sardou. Michel, Ah là là là là là là, que c'est bon la paix, l'amour et la tolérance qui nous dit d'aller abreuver les sillons de notre sang. Ça m'a immédiatement donné envie d'aller chercher la paix, l'amour et la tolérance au salon de l'armement Millipol qui ouvrait ses portes aujourd'hui à Villepinte. Plein de gens dévoués à l'amour, la paix et la tolérance à base de grosses bastos dans ta face. Mais pas que, il y avait également des fabricants d'airsoft, des fusils d'assaut d'entraînement. Est-ce qu'ils en vendent par exemple aux terroristes? Non, Dieu merci, non. Et d'ailleurs, je souhaiterais qu'on évite le lien entre airsoft et terrorisme, et entre armes et terrorisme tout court. Il n'y a pas de lien entre armes et terrorisme? Je ne répondrai pas. Mais non, je ne répondrai pas. Mais il n'y en a pas, selon vous? Je ne réponds pas. Mais c'est ce que vous avez dit. Non, c'est piégeux. C'est même dégueulasse de poser cette question. Ah, pardon, excusez-moi. Moi, je pensais que c'était dégueulasse de ne pas faire le lien entre armes et terrorisme, mais apparemment, non, c'est l'inverse. Moi, je pensais également que c'était dégueulasse. Ce qui était dégueulasse, c'était de fournir des armes à ceux qui financent le terrorisme, hein, par exemple le Qatar. Question piège, est-ce que cet autre marchand d'armes accepterait d'en vendre au Qatar? Question piège, oui. Non, non, pour l'instant, écoutez, on est en phase de développement, donc je ne pense pas que ce soit réellement une arme. Et s'ils arrivaient avec un gros chèque? Ça, il faut voir avec le boss. Voilà, on va plutôt aller voir avec le boss qui était malheureusement pas là. Certainement en train de récupérer un chèque d'une grande démocratie, hein, comme l'Azerbaïdjan ou la Corée du Nord. Mais il y avait des gens qui ont accepté de me répondre. Par exemple, ce commercial de la société Knights Armament. Comment les terroristes se fournissent en armes? C'est des gouvernements qui sont complices avec ça. Je vous ai dit que ça vient de la Libye ou que ça vient des Balkans. Ça peut venir d'Iran. Vous croyez que les Iraniens sont des gens bien? Je ne sais pas, est-ce que vous faites du commerce avec l'Iran? Pas du tout, je ne veux même pas. Avec l'Arabie Saoudite? Éteignez-moi ça. Ah, éteignez-moi ça, me dit-il, en posant la main un petit peu violemment sur le micro. Alors, avec les gens armés, le mieux, c'est la négociation. Et au bout de quelques minutes, il a finalement accepté de bien vouloir répondre à d'autres questions pour notre plus grand plaisir. Je suis maximum au pro-armes. Je suis membre du NRA aussi. Et qu'est-ce que vous pensez des tueries qui ont lieu aux États-Unis parce que les armes sont en vente libre? C'est une manipulation des médias. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire? Là, je vais pas aller plus loin. Parce que après, on va dire que j'ai la théorie du complot. Hop là, à nouveau la main sur la micro, décidément. C'est dommage, hein, c'est dommage. J'aimais beaucoup ce Donald Trump français. Ah oui, parce que je vous rappelle que Donald, c'est un nom de canard, mais c'est aussi un prénom de connard. Je n'ai pas été plus loin dans la négociation, hein, parce que le mieux face à quelqu'un d'armé, ça reste encore la fuite. Et je me suis donc barré fissa, je me suis réfugié sur le stand de Cadex Défense. Ce sont des Québécois. Alors un Québécois, ce qui est bien, c'est que c'est gentil. Hein. Et puis ça a des théories pour défendre le port d'armes. Si vous prenez deux gars qui arrivent face à face, qui sont très agressifs un matin, mais qu'ils sont prêts à la se taper sur la gueule, prenez les deux mêmes gars, mettez-les armés avec une arme visible, vous allez voir qu'ils vont être beaucoup plus polis un vers l'autre. Et s'il y en a un qui tire? La personne ira en prison, que voulez-je vous dise? Ah ben, on aurait bien aimé que tu nous dises que l'autre sera mort quand même. Hein. Et que toi, du coup, bah, tu fais un petit peu flipper, même un peu plus que ton copain de tout à l'heure, parce que toi, tu le dis avec le sourire. Oui, il le dit avec le sourire, c'est encore plus flippant. Et surtout quand il développe sa théorie sur les terroristes et les armes. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a plus peur de quelqu'un qui va vous tirer avec une arme ou qui va vous tuer avec une cuillère? Moi, j'ai très peur du gars qui va me tuer avec une cuillère parce que ce gars-là, il est extrêmement agressif. Vous pensez que les gens à cuillère sont agressifs? L'arme n'est seulement qu'une extension, c'est un prétexte. Mais aujourd'hui, on peut prendre une chaise, on peut prendre un bout de bois. Là, vous craignez des agressions djihadistes à coups de chaise ou à coups de cuillère? Je crois que si on les écoute bien, ils vous disent bien de vous servir de n'importe quoi et ne vous disent pas de vous servir nécessairement d'un arme. Et oui, c'est vrai, j'ai bien relu l'excellent livre Le djihadisme pour les nuls. Et il est indiqué, chapitre 8, si vous n'avez pas de kalachnikov sous la main, énucléez des gens avec une petite cuillère ou jetez-leur une chaise dans les tibias. Hein, c'est bien connu. J'étais donc prêt à partir en guerre avec un taille-crayon et un yaourt nature, mais j'ai finalement préféré relire et réécouter La Marseillaise pour la paix, chantée dès 1892 par des élèves de l'orphelinat dirigé par Paul Robin et reprise ici par la chanson plus bifluorée. Les Merci Guillaume Meurice. Et on remercie aussi notre invité Stéphane de Groot qui doit nous quitter un peu prématurément. Parce que on ne dira pas quel transport vous prenez. Parce que... En tout cas, il retourne à Molenbeek. Voilà, c'est plutôt vers la direction Merci. De Molenbeek. Merci de votre accueil. Je voudrais juste saluer ma femme et qui va avoir son anniversaire dans deux jours. Parlons de choses agréables. Voilà, oui, voilà, on invitera elle la prochaine fois, je pense. Mais oui, d'ailleurs, il y aura Mathia, parce qu'elle a réalisé un court-métrage qui s'appelle Le Flan avec le formidable André Dussolier. Et elle va en faire une BD après. Et elle viendra nous en parler. Elle en fera des choses, en tout cas. Merci Stéphane de Groot. Je rappelle Qui ne dit mot avec Grégory Panachon, c'est aux éditions Delcourt. Et Le Livre de la Jungle aux éditions Plomb, dont vous faites la fortune depuis maintenant trois livres. Écoutez, comme les gens aiment bien. Les gens aiment bien. Bon cœur, c'est ça ? Ah bah oui. C'est ça, c'est ça. On dit ça. Disons ça pour terminer. Merci Stéphane de Groot. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne route, filez et prenez soin de vous surtout. À cette heure-ci sur France Inter, là, est-ce qu'on peut parler de Mélanie Boer. Excusez-moi, vous levez le doigt comme une je promets qu'il s'en aille pour dire que vous avez quand même écouté Michel Sardou en entier. Alors que mes morceaux de rap, personne n'a écouté plus Michel, de 10 secondes. Quand même. C'est quand même Michel. Bah, juste, je dis j'espère ça, que vous en tirez des conclusions. Maintenant qu'il est parti, on peut quand même... On a écouté Human, Bienvenue en Belgique. On le réécoutera d'ailleurs. Bien s'imprégner des paroles. Voilà, c'est dit. Et si on passait au rock ? Oui. N'est-ce pas, Juliette ? Alors oui, parce que moi, en fait, j'avais prévu de vous faire une chronique sur la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et puis finalement, non. Hein, à la place, ce sera le contre-manuel du rock par Johanna Seban. Alors, à l'ère du développement personnel tous azimuts, hein, en gros, le développement personnel, c'est on nous bassine jusqu'à la lobotomie de petits mantras sympathiques que si tu te les répètes toute la journée, à la fin de la journée, tu seras mince, couronné de succès et gai comme un pinson. Les mantras du succès, vous savez bien c'est quoi ? C'est « si tu veux, tu peux, reste toi-même, ton corps et ton logique, deviens ta meilleure amie ». Voici l'inverse, le manuel de l'échec dans le rock, de la loose, du ratage spectaculaire ou juste lamentable, ou comment chaque histoire de réussite contient son lot plus ou moins important de gros n'importe quoi, de rendez-vous manqués, de oui et puis non. Particulièrement dans l'histoire mouvementée du rock où le boy scout n'est clairement pas la figure tutélaire. Johanna Seban les recense, les classe par commandement, hein, bah, exemple de commandement, beaucoup trop d'alcool tu boiras, bon bah ça c'est pour moi, avec les femmes des relations plus classiques tu auras, ça c'est pour Alex, bonjour, un manuel d'histoire par l'anecdote, c'est irrésistible, je vais vous en citer quelques-uns, c'est un excellent moyen pour régaler vos amis lors de vos prochaines longues soirées en terrasse. Par exemple, choisir un nom tout pourri, hein, vu que les Rolling Stones ou les Beatles c'est déjà pris. Vous cherchez un nom, hein, il faut un nom original. Il y a un groupe, par exemple, qui a choisi comme nom de groupe. Our manager told us that our band name was too long and difficult to remember. We had to change it. So after a long brainstorming session, we came up with this one because all other ones sucked. Ce qui veut dire, en gros, notre manager nous a dit que notre nom de groupe était trop long et compliqué à se souvenir. Alors on a décidé d'en changer. Et après un long brainstorming, on a décidé que celui-là, on a pris celui-là parce que les autres, ça craignait du boudin. Et donc il y a un acronyme. Oui. Non. C'est tout lié. Non, voilà. Ils ont beaucoup de succès. Ils ont décidé, franchement, j'ai regardé leur page Facebook, il y a moi et quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est sinon la vie du rock ? Et ben, c'est se faire remarquer par exemple avec le nom de ses enfants. Nougaro par exemple. Nougaro, il fait de la chanson française. Comment il l'appelle sa fille ? Cécile. S'il vous plaît. Michael Hutchence, en revanche, lui, de In Excess, il appelle sa fille Evenly, Irani, Tiger, Lily. Merci, bisous. Qu'est-ce que c'est aussi là, les ratages du rock ? Et ben, c'est ne pas voir la future star en face de soi. Par exemple, il y a quand même un mec qui a écrit à Elvis, de ne pas mettre un terme à sa carrière de routier, après avoir écouté une de ses maquettes. Qu'est-ce que c'est faire du rock ? Bah, c'est se faire entuber par son manager, ses parents, son producteur, bref, être naze en thunes. Et encore beaucoup, ce qu'il y a de, selon moi, de mieux dans la vie du rock, c'est de dire des trucs super flippants en interview. Alors, je vous ai parlé de Keith Richards hier, qui, cette célèbre phrase, « Soyons clairs, je n'ai pas de problème avec la drogue, j'ai un problème avec la... » police. Mais il y a par exemple aussi Lemmy de Motorhead. Un gamin m'a demandé un jour « Est-ce que vous avez la gueule de bois parfois ?» J'ai répondu « Pour avoir une gueule de bois, faut arrêter de boire. » Magnifique. Ou Axel Rose, et c'est ma préférée, Axel Rose des Guns N' Roses, qui dit « Je ne suis pas Dieu, mais si je l'étais, les trois quarts d'entre vous seraient des filles et le reste serait de la pizza et de la pierre. Choisissez qui fait la fille, qui fait la bière. » Le rock, dans ses ratages, c'est aussi se relever du ridicule. À tous ceux qui ont un petit peu le cafard en ce moment, je conseille d'aller sur YouTube et de regarder un clip de Mick Jagger et David Bowie qui reprennent Dancing in the Streets. Oh, il est super! Ils sont habillés et ils dansent comme des collégiens. C'est absolument c'est minable alors qu'ils ont 50 ans. Rire des meilleurs, ça fait relativiser ta propre loose. Ça te permet aussi de survivre aux légendes urbaines. N'oubliez pas qu'on a raconté pendant très longtemps que Jack White, ben Meg, c'était sa sœur. C'est pas sa sœur, c'est son ex-femme. McCartney n'est pas mort en 66 et non, Elvis ne vit pas sur une île avec Michael Jackson. Si vous pensez que votre vie, elle est loose parce que vous vous engueulez en famille, mais il y a toujours pire que vous. Il y a Oasis, il y a les frères Gallagher. Oui. Hein, ouais. Bien sûr. Alors, je vous cite quelques... Gallagher est déclaré, même. Oh, mon Dieu, c'est pas le groupe des parties, mais Charlie est là. Stéphane de Groot. Stéphane de Groot. Alors, Liam faisait le... Noël Gallagher faisait le portrait de Liam en disant ceci. Il est grossier, arrogant, intimidant et paresseux. C'est le type le plus en colère du monde. Il est comme un type avec une fourchette dans un monde de soupe. Il avait aussi résumé ses défauts. Il disait Liam n'a que deux problèmes, tous les putains de trucs qu'il dit et tous les putains de trucs qu'il fait. Voilà, joyeux Noël. Bon, il y en a plein comme ça, je vous le conseille vraiment, c'est un livre hyper agréable. Mais là vous allez me dire, je sais, je vous entends, mais à quoi ça sert Juliette? À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert Juliette? Merci Guillaume. Eh bien ça sert à rire, ça sert à avoir envie de réécouter tout un tas d'albums, de chansons même mauvaises, de convoquer finalement le kid en soi. Oui, je fais mon petit dédé manoukian de poche. Le kid en soi, n'oubliez pas que le Bataclan en était plein, que Johanna Sebond est en 1981 n'en est pas loin, mais qu'en fait, ce kid, on l'a tous en nous, il est pas loin, il attend, parce que comme dit Céline Dion dans On ne change pas, mais si tu grattes là, tout près de l'apparence, tremble un petit qui nous ressemble, on sait... Mais si tu grattes là, c'est pas vrai, Mélanie, vous allez pas l'écouter, celle-là. Cachez-vous, Mélanie Bauer. Ne lui jamais parler sur Céline Dion. Ça rend une insolente qui s'entête et qui répète. Je démissionne. On ne me quitte pas. La beauté. Oui, je tenais absolument à être à la hauteur de ce livre et finir par un fiasco, par un acte contre nature. Nous avons écouté Céline Dion. Merci Juliette Arnaud. Et alors, donc, à lire en terrasse et peut-être avec une bière. C'est... Hein? Évidemment, ah, mais oui, on embrasse tout le CSA et on encourage les auditeurs à boire un petit coup avec nous parce qu'en ce moment, pourquoi pas, ça il fait du bien. Voilà. C'est vrai. Une réaction, Mélanie Bauer? Non, mais j'ai dit que je démissionnais. C'était... Non, mais à cet ouvrage, à cette façon, à cette façon de voir le rock et la dépravation. Oui, mais Keith Richards, qu'on voyait en photo beaucoup sur Facebook aujourd'hui avec une des personnes disparues dans l'horreur qui nous est arrivée il y a quelques jours. Et puis, effectivement, le rock, c'est plein d'histoires, c'est plein de choses croustillantes. C'est tout ce qu'on pourrait être si on se laissait faire. C'est tous les fantasmes qu'on pourrait avoir de nous-mêmes, qu'on ne peut pas réaliser. Et donc, il y a des gens qui le font à notre place. Et heureusement, des gens les réalisent pour nous. Et c'est pour ça qu'on les aime autant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de... Hey, merci. Merci Juliette, merci Mélanie. Le rock, la musique, le hip-hop, la blague, la vie, quoi. Et puis tiens, Frédéric Fromet. Tout ça en un seul personnage. Frédéric Fromet est là et il a tenu à rendre hommage à sa manière, à ceux qui ont trinqué dans les deux sens du terme et à ceux qui trinquent encore dans les deux sens du terme. Les bobos, c'est d'eux qu'il s'agit. Frédéric Fromet. Exactement. Allez, c'est à vous, c'est parti. Si j'ai l'air si futé du type qui fume des pètes, c'est que j'ai le permis B et je fais de la trottinette. Car si j'aime le chichon, je défends l'oxygène. Faut que tu vois mon balcon, j'ai mis une éolienne. Ouais, on est à Paris, à la pointe de tout. On est des petits génies, la gueule en biais c'est nous. Je connais un bistrot, super sympa, t'inquiète. Le café 5 euros, si ça avec une sucrète. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. J'ai un 16 mètres carrés, pas cher, tu vas pas me croire. C'était ça où j'achetais un château de la Loire. J'aime trop mon quartier parce qu'il est vivant. À minuit, un djembé nous endort doucement. Je suis bouqué, je t'ai pas dit. J'ai une sortie roller, j'ai mon cours de tai chi, un before, un after. Est-ce que je t'ai raconté mon trekking au Népal? Moi qu'on entend râler quand l'ascenseur est en panne. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Je suis tout décoiffé, comme tombé de mon lit. C'est hyper étudié, testé en soufflerie. Je suis tout mal fringué et je me trouve super beau. Je vous dis mon secret, j'ai braqué un clodo. Je fais toutes les expos, surtout quand elles sont laides. Je fais mon intello en admirant des merdes. Je mange des produits bio, j'ai acheté une courgette. C'est très bon pour le dos, mais il faut bien la mettre. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Je porte des lunettes, je les choisis carrées, grandes comme des fenêtres, je suis une baie vitrée. Je travaille en freelance, dans l'événementiel, c'est du boulot tu penses, préparer les cocktails. Bien sûr je suis de gauche, bien sûr je pousse un cri, contre tous les trucs moches, comme le prix des sushis. Tiens prends donc une verrine, aux algues au lichen, une petite tartine, ah non y'a du gluten. Allô maman bobo. Maman, je suis bobo. Quand on fait des bébés, on leur donne des prénoms pour les punir d'emblée. Gaspard, Jules ou Léon, on leur explique tout comme s'ils étaient grands. La petite graine, pas du tout. J'ai niqué ta maman. Je pourrais faire mes couplets, mais je vais être à la bourre. Je dois me faire poser une barre de 3 jours. Puis mon coach personnel m'a quelque peu déçu. Son bilan est formel. Je suis un trou du cul. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Et je suis en terrasse, et je suis au concert, et je suis au bistrot. Merci Frédéric Fromet, les bobos, tous ces gens qui ont trinqué, et puis on a une pensée aussi pour tous les blessés. Et puis, voilà, les bobos c'est nous, puis c'est peut-être vous aussi à Limoges, à Marseille, à Lille, il y a des bobos partout en France, autour de cette table chez et vous. Et c'est pas un gros mot. Et c'est pas un gros mot, voilà. Et puis l'unité nationale c'est peut-être en ce moment celle des bobos et des réacs. Voilà, merci à tous d'avoir passé cette émission avec bisous nous. Bisous à Molenbeek. Et il y a des bobos à Molenbeek aussi. Ah, vraiment aussi. Il faut le dire parce que les habitants de Molenbeek sont pas contents évidemment de l'image que certains donnent de leur belle commune. Bah ouais, des bobos partout autour de la terre quoi. Voilà. Ouais, merci Frédéric Fromet, Juliette Arnaud, Mélanie Bauer, merci Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On va se retrouver demain avec Jean-Paul Lepers. Mais oui, on va recommencer à faire des émissions un peu normales parce qu'il faut. Voilà, aussi. On se pose toujours autant de questions. Voilà. Hein, comment est-ce qu'on fait pour être rock et punk en état d'urgence, tout ça, mais on aura le temps d'en parler toute cette semaine. Et puis là, le mot de la fin, à la vie et au rock. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr.